À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit C'est la soupe. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, c'est la sou. C'est maintenant sur Skyrock. Eh oui, c'est maintenant. C'est parti pour une nouvelle soirée en direct. Les images sont dispo sur l'appli, sur le Skyrock FM. Wicht Grucht, c'est là. What? J'ai essayé de me lancer en flamand. J'essaie de me lancer en flamand, mais c'est pas ça, c'est pas Wicht Grucht. C'est pas du tout ça. Wicht Grucht? C'est un truc what comme ça, non? Non, ça je voulais dire bonsoir, c'est là. Rude Avent. Ah bah voilà, Rude Avent. On n'était pas loin, quoi, ça commence fort. Comment ça va? Ça va, ça va. En pleine forme? Oui, un peu mal aux voix, mais c'est bien, grunge, c'est toujours bien. Oui, c'est une voix un peu grunge. Elsa, que tu entends là, qui est en face de toi, va t'aider à traduire, donc si t'as un petit coup de mou. Ok. N'hésite pas à parler. Et assez... Non, flamand aussi, tu m'as dit que tu parlais. Ah non, arrête, je t'ai dit non, flamand. T'as pas non, fait pas flamand. Non, malheureusement, non. T'as pas fait Wicht Grucht? Non. Bah, déjà, je vais pas écouter ton flamand. C'est Wicht Grucht. Ah, voilà, Wicht Grucht, c'était quoi ce truc? Mais c'est vraiment quand tu believe in God. Quand tu prends en Dieu. Grucht, c'est pas vraiment. C'est pas ce qu'il voulait dire non, du tout. C'est non. Une soirée tardive après. Ouais. Après avoir pas mal consommé, peut-être que Dieu m'est apparu, mais je m'en souviens pas vraiment. Too much alcohol, probably. Bon, bah, bienvenue en tout cas, Céline. On est content de te recevoir toute la semaine avec l'album Reason. Mm-hmm. Et puis, tu as un camarade qui est arrivé aussi. Ah oui, oui. Un petit camarade de jeu. Yeah. Puisque vous participez ensemble sur cet album, sur une des versions inédites d'ailleurs qu'on a joué sur Skyrock. Ouais. Le morceau Alone avec Gizmo qui est là aussi. Ça va bien, Gizmo? Ça va et toi, mon gars? Eh ben écoute, toi ça va, flamand? Ouais, non, je parle pas flamand. je parle pas flamand du tout, mais je parle grave le Céla Sou, t'as vu? Oui, c'est ça. Bête de langage que j'aime bien. Bête de langage. Vous êtes rencontrés un petit peu tous les deux, vous êtes déjà croisés? Ouais, on s'est déjà croisés il y a quelques. Il y a deux ans, un truc comme ça. Oui, c'était où? C'était au Zénith. Oui, et puis, on avait collaboré aussi à l'époque où il y avait le morceau Crazy Vibe. Mmh. Ouais. Donc c'est une artiste que moi j'apprécie beaucoup, beaucoup. Talentueuse, hein. Ouais. Très talentueuse. L'album arrive lundi dans les bacs le 30 mars. On va en parler dans un instant, mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. C'est le replay de la veille. Mmh. Écoute, c'était hier soir en direct sur Skyrock. C'est la soupe de retour. Comment va? Je suis excitée. Oui, je suis contente et c'est le bon moment maintenant. C'est déjà 4 ans avec le premier album et donc maintenant je suis prête. Planet Rap, c'est la sou. Il y a Gizmo aussi qui est présente sur ton morceau, un morceau qu'on a beaucoup joué sur Skyrock, sur le Alone. Mm-hmm. Dire que tu as toujours une oreille aussi sur ce qui se passe ici en France, sur le rap français, c'est là. Pas vraiment, non. Non, c'est parce qu'on t'a dit il est bien lui, Gizmo. Faudrait que tu poses avec lui. They show me a lot of different rappers and then I pick out the vibe that I feel best. Ils m'ont fait écouter beaucoup de rappeurs en France et j'ai pris le vibe que je trouvais le meilleur pour mon disque. Planet Rap. T'aimes quand même ce public français ici. Il y a une alchimie particulière ici. À Paris, c'est toujours spécial. Je sais pas pourquoi, mais ici, c'est vraiment. C'était le début de tout. Donc pour moi, c'est même comme la même maison. Et c'est juste une heure et demie à Bruxelles. Donc pour moi, c'est vraiment la maison ici. Voilà, c'est juste à côté. C'était hier soir. En direct avec Céla Sou sur Skyrock. Je te propose de prendre ta guitare, si tu veux bien. Ok. Et on va t'écouter chanter maintenant. Ok. And at Skyrock, they want me. Yes, and I'm gonna be there. Spreading the vibe. Alone. So dear Rockamuffin is a one-off different. What you see is what you really did in the end. But what you're gonna do, I don't know. Dear Rockamuffin, shall I not fall down? Cause he is the wisdom muffin, not fool around. But why don't you feel good, so see on the ground, yes. Bye now. so big it up, everyone trying to feel the mess. Yeah. Big it up, everyone trying to feel the mess. Give me fire, fire, what shall I do, my tea dread? Okay. Tous les soirs, 20h-21h, en direct avec Célasou sur Skyrock. Voilà, c'était hier soir dans l'émission entre 20 et 21. Un petit air malicieux quand tu te réécoutais en parlant en français. Je parle vraiment pas bien français. Mais non. Ça c'est clair. Si, ça va. Attends, tu as entendu comment on parle wallon, non? Flamand, pardon. Tu as entendu comment on parle flamand tous les deux avec Gizmo? Flamand parle flamand. Non, non, c'est maintenant. Voilà, je peux pas essayer de faire ça. Non, comment on dit bonjour en flamand? Ah bah t'as pas entendu, c'est hello. Ah non, c'est... hello. Bah t'as vu, je parle flamand. Hello. Hello. Voilà. Hello. Hello. Ça hello. Va, c'est facile. Voilà, c'est... Ouais, donc t'étais affligé par ton niveau de français? Oh, mais quand j'entends, c'est vraiment. C'est... Mais je parle pas. C'est vraiment ridicule. Mais non, c'est pas... c'est trop mignon, moi je trouve, non? Ouais, moi j'aime bien. C'est bête c'est de petit, sexy. C'est, ouais, c'est bête de sexy. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça. Tu as compris ça, bête de oui, sexy. Oui, oui, sexy, je comprends ça. Bête de sexy, tu veux traduire Elsa, toi qui as toujours la bonne expression en anglais? Là non. It's sexy, it's very sexy. Bomb of sex. Bomb of sex. Yeah, wow. Bomb of sex. That's a big accent. On dit sex bomb, tu connais pas la chanson? Oui, c'est vrai. Sex bomb, sex bomb. C'est vrai, c'est vrai. Ma sex bomb. Bah ouais, bon. Je comprends. Heureusement que t'es là, Gizmo, en tout cas, avec nous ce soir. Ça fait plaisir d'avoir Gizmo. C'est vrai que vous avez collaboré ensemble sur le morceau Alone qu'on va écouter maintenant. On va en parler d'ailleurs dans quelques minutes. C'est un morceau qu'on retrouve aussi sur l'album Reason, l'album de Cella qui sort le 30 mars. C'est parti. Tant pis, je vois que quand j'ai envie de toi, tu es loin. Je suis pas bien, je me balade en ville le soir. J'ai des flashs de tous les deux. Faut pas qu'on se lâche, tu vois pas tout ce qu'on cache. Ça s'est passé sous tes yeux. Tout va si vite, je te cache pas, ça devient speed. Sois pas si triste, t'inquiète pas, je reviens vite. Pas très loin, je pense à toi, Dieu m'en soit témoin, bien sûr que je me rappelle de toi. Je sais que tu es perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu oublies ton amertume. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu es perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu perds tout ton temps dans l'amertume. Alone à l'instant sur Skyrock, Célasso avec Gizmo. T'as pris du plaisir toi Gizmo à partager justement ce morceau aux côtés de Célasso? Ouais, bah moi comme je t'ai dit, j'aime beaucoup Célasso. Donc quand on m'a proposé le projet, bah j'ai écouté le morceau. Et ensuite, je me suis mis. On m'a proposé plusieurs situations dans lesquelles je pouvais me mettre. Par rapport au thème du morceau, j'ai choisi la plus confortable. C'est la plus confortable, en effet. Et donc voilà, dans le morceau, c'est là m'attend. Et c'est là t'attends. Parce que je suis une bête de rockstar. Non, franchement, c'était un plaisir de ouf. Surtout que la prod, elle est dingue. Moi, j'ai toujours eu foi au talent de Cella. T'avais aimé, toi, le premier album aussi, pareil. Ouais, énervé. J'ai acheté les deux. Et puis le deuxième, on le disait, mais on va y revenir dans un instant, un petit peu plus sombre aussi, mais ce côté soul que tu... Tu me dis sombre, mais c'est juste, comme tu dis, c'est juste soul. Voilà, là, c'est soul. C'est sombre à la base, tu vois. C'est quelque chose de sombre, ouais. C'est quelque chose où il y a des émotions qui sont très... qui sortent de loin, tu vois, ouais. Des tripes, donc c'est forcément sombre à des moments, et non, c'est fou, j'aime beaucoup, moi. Et toi, donc, c'est ce que tu nous expliquais un petit peu hier, toi, on t'avait proposé plusieurs rappeurs, et c'est vrai que t'as ressenti tout de suite quelque chose avec Gizmo, rien qu'en écoutant... Oui, c'est vraiment, je suis vraiment focus sur le ton de voix, et je pense que ça marche parfait avec ma voix, et aussi the rhythmic, le rythme. C'est vraiment important pour moi parce que oui, pour moi c'est la base, the rhythm and the bass, the most important thing in music. And I felt his vibe and rhythm and voice instantly when I heard this version. En fait, il a vraiment senti son rythme, sa voix, tout ça quand il a écouté. Same as with Crazy Vibes actually. So. Pareil qu'avec Crazy Vibes. Voilà. Et puis donc cette situation en effet où Gizmo t'attend. Il m'attend. Il est là, vous êtes retrouvés en tout cas ce soir entre 20 et 21 dans l'émission. C'est ça. Et c'est le plus important. C'est ça, Hugo. On est là. Hein. Et on est là. Et on continue aussi d'ailleurs à parler de cet album qui s'appelle Reason, qui sortira lundi prochain, le 30 mars. On va le découvrir aussi. On va passer des morceaux. Est-ce que tu auras quand même le courage de faire un live ce soir, celle-là, avec ta petite voix cassée? Oui, c'est un petit peu cassé, mais je pense que c'est bien quand c'est cassé. Moi, je trouve ça très bien. Gizmo, toi, tu seras prêt aussi à faire le loan? Ouais, bah oui. On le fera tout à l'heure en live. Moi, de toute façon, j'ai toujours la voix cassée. Alors. Ouais, c'est vrai qu'en même temps. Toi, t'es en tournée en ce moment, Gizmo? Je suis en tournée, là. Je viens de faire ma 34e date aujourd'hui. Et ça se passe bien, ma foi. 34e, wow. Ouais. Toi, t'as fait combien de dates en tout, Céline? Pouf, yeah. Crazy. Tu les as comptées, tes dates, un peu, toi aussi, depuis... Oh, c'est beaucoup, mais moi j'ai fait maximum 3 dates par dans semaine. Une... Oui. Pas plus? Non. Pour ma voix, c'est pas possible. C'est pas possible, ouais. Non. Donc il y a 3 dates par semaine, il y a une grosse tournée aussi qui se prépare. Ah non, c'est 3 dates et une jour pause. Et 3 dates, une jour pause. 3 dates, une jour pause. Ah oui, donc les semaines. En fait, c'est le week-end, il dure une journée chez toi, en fait. Oui. Voilà. Et les prochaines dates, ça va partir, hein. Il y a une tournée qui part pour toi, il y a l'Olympia, c'est blindé, je sais qu'il y a un Zénith aussi à la rentrée qui se prépare, et puis beaucoup, beaucoup d'autres dates pour suivre Célassou et son parcours. Mais t'as pas une idée de combien de dates t'as fait sur la précédente tournée? 3. Non, je sais pas. C'est peut-être million ou 3, je sais vraiment, je sais pas. Les nombres, c'est vraiment difficile pour moi pour to know it actually, I don't know. A lot. Mais beaucoup, en tout cas. Mais beaucoup. Yeah. C'est bien, Elsa, j'aime bien quand t'es réactif comme ça. T'as vu, je suis efficace. Oui, merci beaucoup pour ça. N'hésite pas, à n'importe quel moment, t'as un coup de mou. Oui, voilà. Ouais. Elsa est là, bam, elle arrive directement. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, c'est là? Quel morceau tu as envie de mettre de ton album maintenant? C'est vraiment mon choix? Ah bah oui, c'est ton choix. Ok. I Won't Go For More, peut-être. Ou un autre? Together? Très bien. Et bien, c'est le morceau avec Childish Gambino. Oui. Qu'on va balancer maintenant. T'as écouté, toi, son dernier j'ai album écouté, qui sort le 30 mars? J'ai écouté, j'ai précommandé. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai acheté les deux. J'ai acheté en physique le premier. Ah, en plus, t'as acheté? J'ai précommandé l'autre. Oh. Tu connais, hein, on est connectés, nous, dans le quartier. Dans la cité, on va faire écouter Célassou au Tiercar. Quelle belle technique, j'ai aimé le petit wow de Céla. Gizmo s'est parlé aux femmes, décidément. À tout le monde. Pourquoi je suis focalisé sur les femmes, je sais pas. Non, mais t'as un truc particulier, je le sens. D'accord. Bon, on écoute ce morceau Together maintenant sur Skyrock. Yo. Through the night sky, I know we're broken parts, but ain't so good, yeah, good sign. Woo! Got the one thing that I couldn't buy. Yeah. Niggas so mad when I walk through. Yeah. With you on my arm, what they gon' do? Woman in my life, you the top two. Yeah. High mom, high mom. Lights on, lights on, lights on, lights on. Dialogue, dialogue. Rap like this, you an icon. Yeah. Blue jeans sounding like a pink round. You and me together, maybe we can do it. First summer ever, but we got through it. About the money, I was getting yeah. to it. Where you wanna go? Where you wanna go? Yeah. Let a nigga know. Let a nigga know. Ain't gotta know. Ain't gotta know. Ain't gotta know. We should be together. Yeah, we can reach a sun if we're one that's easier. Everything's just better, better. Yeah, when I'm locked inside, you're the ties that free me. We should be together. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Céla Sou, extrait de son album qui sort lundi dans les bacs, l'album de Céla, avec ce morceau Together sur Skyrock. Ce soir, il y a Gizmo qui est là aussi avec nous. Ouais, mon gars. C'est vrai que ça doit te parler, la voix de Céla, parce que je me souviens, toi, quand on avait parlé justement de ce qui t'avait poussé à la musique, c'est maman qui écoutait beaucoup de soul aussi. Oui. Gizmo. Donc forcément, la voix de Céla doit te parler, doit te rappeler des choses. Oui. Elle me séduit. Bah, moi, j'aime beaucoup les voix comme ça. Même, tu sais, ouais, c'est. Comment dire, je sais qu'elle chante comme sincèrement, tu vois, c'est, quand c'est sincère, c'est pas pareil. Moi, j'essaye d'être le plus sincère possible, comme tu le sais, tu vois, Fredo. Quand tu l'es, rappe, tu l'es. Ça veut dire que quand j'ai des artistes, je les ressens, tu vois, c'est qu'ils sont bons eux-mêmes, tu vois. Avant d'être bons artistiquement, ils sont bons eux-mêmes. Quand ils sont bons artistiquement encore plus, c'est ça rend dingue. Bête de concept. Ouais, bête de concept. Non, je disais ça parce que c'est vrai qu'il a été bercé aussi à la soul, parce que sa maman écoutait beaucoup de sons, beaucoup de soul, pour pas que, hein, mais en particulier beaucoup de sons, beaucoup de soul. C'est pour ça que je faisais référence à ta voix. Toi, qu'est-ce qui t'a bercé, toi, plus jeune, Céline? Bercé. What kind of music did you listen to when you were young? Ah, yeah. Pour moi, c'est commencé avec Lauryn Hill, Erykah Badu, petit peu Fugees aussi, mais aussi Raga comme Damian Marley, SZA, Capleton. Et c'est vraiment mon I began to listen that when I was younger. Yeah. Quand elle était plus jeune, c'était ça. Donc Lauryn Hill, les Fugees, Erykah Badu, voilà, qui sont des grandes références. Mais il y avait quelqu'un à la maison, toi, qui te faisait écouter, les parents écoutaient beaucoup de choses, beaucoup de soul ou autre chose comme musique? Non, pas vraiment. Mes parents, c'était vraiment In Excess, Eurythmics. Plus rock. Plus rock, ouais, oui. Mais elle était pas vraiment dans la musique. Mais c'était vraiment mes amis et sur MTV, vidéo et MySpace, les choses comme ça. C'est vraiment, c'est fini maintenant. Mais hein, comment t'expliques justement, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la soul, à faire sortir tout ça de toi quand t'es sur scène et quand tu chantes sur ton album? How do you explain when you're off on stage singing as opposed to on your album? What's the difference for you? Qu'est-ce qui lui a fait sortir ce côté soul, justement? Oh, sorry. What made you come out with this soul side when you're on stage or recording on the album? Je pense, mais ma vie émotionnelle, c'est vraiment up and down, and I feel a lot. En fait, il y a beaucoup de hauts et de bas, dans sa vie émotionnelle. Elle ressent beaucoup les choses. Yeah, and I think it's for me was a matter of it's a bit my journal intime, ma musique. And it helps me to place things better or something. It doesn't get you out of your deepest depression if you're really down or something, but it's good that you can do something with those extreme emotions. En fait, si t'es en vraie dépression, ça te sortira pas de ta dépression, mais c'est bien de pouvoir faire quelque chose de ces émotions qui sont hyper profondes. L'écriture, ça arrive à quel âge pour toi? When did you start writing? 14 ans. 14-15, oui. Donc c'était, voilà, besoin de sortir. Oui. Ma première chanson était Explanations. Explication. Ma première chanson. It's not so magical if you say it in French. Elle dit que ça fait moins magique en français, mais bon. But it's, yeah, it's really about, you know, the first period and everything, you know, really. Ah oui, ça part des premières règles, les trucs de filles, ouais, honnêtes, quoi. Et t'écrivais comment? T'écrivais en flamand ou en anglais déjà à l'époque? En anglais, parce que flamand, je parle. Tu as beaucoup différents accents à flamand et mon accent est vraiment pas bien. D'accord. Non. Donc t'as jamais chanté en flamand? Oh, non. On peut pas retrouver des dossiers Céla Sou en flamand? Never. Jamais. Non. C'est non. Faux, j'en ai un. Uh-oh. He has one. Non. Bah non, c'est une blague. No. mais en même temps, tu sais quoi, ta réaction, je viens de capter qu'il y en a en fait. Yeah, but because of your reaction, now he knows there are some. Non, il dit non. Si, bon, quelques-uns. D'accord, donc il y en a quand même quelques-uns en flamand. Peut-être quelques, oui. Putain, si j'avais les clés du côté de la Belgique flamande, je pense que je récupérerais des sacrés dossiers. Ouais. Qui sait, d'ici la fin de semaine. Bon, maybe by the end of the week, we'll find something. Bon, on va revenir dans un instant. Il y a Gizmo qui est là aussi, entre 20 et 21, dans le Planet Rap. Vous nous ferez le live de Alone tous les deux. Qu'est-ce qu'on mettra aussi après la pub, c'est là? Just after commercial break. Okay. Je fais la traduction parce qu'Elsa, on l'a un peu perdu. Non, non, oh, bah, la pub, oui, pardon, je pensais qu'elle avait compris. I can choose a song? Elle peut choisir sa chanson, oui. Toujours. Yes, go. Okay. Maybe Sadness. Sadness. Ouais. On va le découvrir dans un instant, ce morceau, tu nous en parleras aussi. C'est juste après ça, on vous attend au freestyle de Planet Rap cette semaine. Tiens, je vous file des places pour aller au Chorus des Hauts-de-Seine, le festival Chorus des Hauts-de-Seine, la soirée hip-hop qui aura lieu ce samedi avec notamment sur scène, il y a Joke, il y a Youssoupha sur scène, il y a Sienna, Joey Star aussi, plein d'autres. À choper tout de suite 41-759 pour rapper dans l'émission, inscrivez-vous, on revient après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit C'est la Sou pendant une heure complète ce soir. Avec C'est la Sou sur Skyrock. C'est la Sou, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. Les images sont dispo maintenant sur le Skyrock FM, sur l'appli Skyrock pour retrouver C'est la Sou en images. Avec Gizmo qui est là aussi ce soir. Gizmo, ouais, ouais. Dans le Planet Rap de C'est la Sou. Ouais. Et le morceau Alone que vous allez nous faire en live dans quelques minutes. C'est ça, mon gars. La roulette qui va tourner, inscription au 41-759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Et un morceau que tu as choisi qui s'appelle Sadness maintenant. Mm-hmm. Sadness qu'on traduit par tristesse. Tristesse. Tout à fait. Donc ça c'est plutôt le côté down. Ah voilà, ouais. Ça c'est c'est la vie aussi. Hein. Ah ben c'est la vie aussi. Tu te souviens quand tu l'as écrit celui-ci? C'est là? Hein? Tu te souviens quand tu l'as écrit celui-ci? Do you remember when you wrote this song? Yeah, I wrote it when I was I had a session in Jamaica. Ah. But, une session en Jamaïque. Mais comment comment tu peux écrire sadness? How can you write something sad when you're in Jamaica? Yeah, actually because I was in a really like really fancy hotel, like fancy chic, and blah. And like 10 meters further was like a guy who's like getting like food in the garbage. En fait, elle était dans un hôtel hyper chic, hyper classe, et à 10 mètres d'elle. Like a resort. Il y avait, ouais, un espèce de resort, genre 5 étoiles, et à 10 mètres d'elle, il y avait un gars dans la rue qui faisait les poubelles pour manger. Chercher, quoi. Comme dans malheureusement beaucoup de pays comme ça, où en effet, t'as des hôtels parfois très chics et où t'as la population qui crève derrière. Ouais. Donc, pour moi, it was an atmosphere. And I was there all alone. I did a session with a lot of artists and producers, and I was really alone there, actually. So en fait, I felt really sad. Avec, des artistes, des producteurs, mais elle était vraiment seule, donc elle sentait triste. Voilà, tristesse. Mais c'est un pays que t'as quand même bien ressenti, les Jamaïques, quand on y va pour, voilà, pour, je sais pas si c'était la première fois pour toi, mais quelles sont les vibes que tu ressens quand t'arrives en Jamaïque? It's really beautiful, but also really violent and dangerous in a way. En même temps, c'est très très beau, mais en même temps, c'est hyper violent et dangereux. Ça, tu sens le côté violent? Ah oui. Ouais, quand t'es là-bas. Yeah, very. And like you're white, so you have a lot of money, you know. Ouais, et puis le cliché de t'es blanche, donc t'as beaucoup d'argent. Mmh. But it's really beautiful. I can imagine can have really amazing vacations there. Mais oui, ça reste très très beau, donc tu peux passer des super vacances. Et t'as enregistré où alors, dans des studios jamaïcains? Kingston, bah. Yeah. La référence. La référence, ouais. Mmh. C'était la première fois où t'allais à Kingston? Oui. Il y a une atmosphère particulière, il y a un truc. But I was like locked up in the resort every day, so I didn't really, you know. Ouais, elle était enfermée dans l'hôtel, donc elle a pas vraiment, tu vois. Mais dans le studio, parce que je suppose que toi t'as fait beaucoup de studios, t'as beaucoup enregistré, là on l'a dit, sur cet album en Jamaïque, Los Angeles, et plein d'autres pays. Mais est-ce que quand on arrive dans des studios aussi marqués, Kingston, c'est studio mythique de Bob Marley et puis de tellement d'artistes. Est-ce que tu arrives à ressentir quelque chose ou finalement non, c'est un lieu froid où tu viens faire ton boulot? All the studios were in that fancy hotel. Tous les studios étaient dans l'hôtel, en fait, dans cet hôtel. Genre, so I was really like locked up. I mean, I don't want to be like really negative or something. Oui, elle veut pas être négative non plus, mais. But it was just like really in that fancy chic. Cold environment, honestly. C'était un environnement hyper froid, tu vois, hyper chic. But I'm really thankful that I did a session there. Mais voilà, évidemment, elle est très reconnaissante d'avoir fait une session là-bas. But I felt really sad there, so I wrote the song Sadness, which is a good thing, you know. Mais elle s'est sentie triste là-bas, donc voilà, elle a écrit cette chanson, donc au final, c'est quelque chose de bien qu'on est sorti. Et bon, on va l'écouter maintenant. T'as pas été, toi, Gizmo, Jamaïque, t'as pas fait? Non, mais on en parlait carrément tout à l'heure avec mon petit frère d'aller en Jamaïque. C'est bon, t'es dissuadé? Ah. Non, il veut toujours y aller. Il veut y aller, je pense. Bah, on va y aller. Et bah, en route pour la Jamaïque. Yeah, yeah, yeah. Et bah, tiens, en Jamaïque, il y a eu Cella qui était, elle a enregistré ce morceau qu'on écoute maintenant et qui figure sur son album qui sort le 30 mars. C'est la Sou dans Planet Rap. Yeah, and they fall like rain. Lost in a feeling words can't explain. I'm gone away, I'm gone away. Yes, I would give anything to free my mind, it's just a slave. Yes, I would even pay. Sadness à l'instant, très beau morceau aussi hein, sur l'album Reason, album et un morceau que t'as fait donc en Jamaïque, tu nous l'expliquais juste avant ce morceau Sadness, t'as plu aussi Gizmo ce morceau? Ouais, énervé. Énervé. Énervé, mon souci, comme énervé. On dit au quartier. Énervé. Énervé, donc voilà. Non, mais moi j'aime ça, j'aime ça. Moi aussi j'aime ça, ouais. En plus, c'est un mélange de soul, de reggae, raga, un peu, on sait pas trop, c'est mélancolique, mais en même temps, c'est pas suicidaire, tu vois, c'est. C'est vrai que t'aimes. C'est un bête. Je sais pas si t'as compris ce que disait Gizmo. Oui, oui, pas suicidaire. Jamais. Mais il parlait du mix aussi, de la façon dont tu fais ta musique et sur certains morceaux comme celui-ci. Mais c'est vrai que, ouais, il y a ça. T'aimes beaucoup plein de sons, ça se ressent, toi, évidemment. Bah, il y a cette culture un peu rock, évidemment, mais il y a le côté reggae que t'aimes bien aussi. Ça oui. Pour moi, j'aime beaucoup de style. J'aime jazz, j'aime hip-hop, soul, pop, you know, R&B. Donc, je peux faire tout. Voilà. Et ben on le retrouve sur l'album qui sort lundi, à découvrir sur Skyrock cette semaine entre 20 et 21 dans un instant. Vous nous ferez Alone en live? Ouais, mon gars. Ready? Ok. Bah, dans un instant. Juste avant, on est avec MC Catrice. Ah, très joli jeu de mots, MC Catrice de Salon de Provence. Salut. Ça va bien, MC Catrice? Ça va, nickel, et vous? Bah, bienvenue, on est avec, tu l'entends, c'est la souille à Gizmo. Ah bah ouais, salut MC Catrice, mon gars, t'as un bête de blaze. En fait. Ouais, il est bien le blaze. Bête de concept. Bon, tu es prêt à rapper, toi? C'est l'heure du freestyle, ouais, par téléphone. Ouais, y a pas de soucis, nickel. Eh ben, on y va, mon pote, c'est parti. C'est parti. Oh. Parfait. T'as du 13, négro. C'est l'asso, Gizmo. Ok. Planète rap. Parfait. Je me suis trouvé dans la musique et tout ce que je sais faire c'est débiter des phases, mettre des claques à tous mes freestyles. Quand tu m'écoutes, ouais tu frissonnes à chacune de mes punches. Je vous assomme. Je t'ai fait pas payer car tu mets la somme. Comme ton répondeur, tu manques à l'appel. Je suis tellement creusé la tête que j'écris sur la coupelle. Sur un coup de pelle, malgré ce que je suis, je reste le même, j'efface mes peines, je fais face à mes problèmes, mais j'ai pas de solution. Je divise pas les vrais, je suis nul en fraction, je suis tellement nul en maths que j'en fais l'addition. 10 ans passent sans que je bouffe pas, c'est que mes faces vos élimines. Je touche pas la planche, mais j'ai tracé des lignes. Et si d'alcool c'est de l'eau, j'en ai plus des litres, hey. J'en ai plus des litres. Je rentre dans le game, sortez les manettes. Je viens de Marseille, je sais faire de lettres. À chacune de mes lettres, j'enchaîne et coupe frère. Je vais les découper et je reste sévère. Je déballe des verres, toi tu les sers. Parle pas quand tu fais belle, même si je les gagne. Je fais pas de joli cœur, pas de rancœur. Je reste hardcore, toi tu meurs. Et si t'aimes pas, coup de taser. Avoue, je te fais peur, à cette heure-ci. Je mène ma vie, trop aisé. Nique le buzz, je prends pas la grosse tête. Et toi là mon gros tiers, et moi comment je rappe, t'en fais pas le tiers. Je kick ça, les têtes des terres. Je reste des terres, je vais tout être à terre. Je vais niquer le rap, pour y mettre un terme. Trop de rappeurs, intérimaires. Toi j'ai trop d'avance, normal que je guette. Mes arrières, ah. Mes arrières, ah. Ok, M. Cicatrice à l'instant. En freestyle dans Planète Rap, du côté de Salon de Provence, merci à toi. Merci, merci. Petite dédicace, petit message à passer. Ben, gros big up à Gizmo, parce que c'est un mec que je soutiens beaucoup, parce que je kiffe vraiment ce qu'il fait. Merci beaucoup, et frère. Et voilà, quoi. Et c'est la sou, ben, j'ai surtout kiffé les sons qu'elle a, le chic qu'elle a fait avec Gizmo, qui a un petit moment déjà. Aïe, aïe, aïe. C'est une dinguerie, quoi, de rapper en direct avec eux ce soir. T'as le mort, mon gars, merci beaucoup, force à toi, frérot. Y'a pas de soucis, ben, voilà, nickel. C'est parfait. Bon courage pour la suite. Merci, en tout cas. Merci à toi, MC Catrice de Salon de Provence. Dans l'émission, dans quelques minutes, vous allez nous faire le live de Alone sur Skyrock. Ouais, ouais. Mais juste avant, c'est là, on va mettre un petit plaisir, tiens, puisque Gizmo en plus parlait de ce côté. Toi, tu t'as précommandé, mais donc t'as pas écouté encore totalement l'album. Non. Là, ce morceau, je suis sûr qu'il va te plaire aussi. Vas-y, on va. Je peux choisir un morceau. Ok. Tu es d'accord? Ok. Tu m'en voudras pas. You won't be mad at him. Really? If he picks a song. No, pick one. Vas-y. I won't go for more. Ok. Ça te plaît? Ok. Ça va? Ça va. T'as pas écouté celui-ci? Non. Tu vas avoir une tuerie. Maintenant sur Skyrock, c'est extrait de l'album de Selassou et on l'écoute dans Planète Rap. On va voir. sing for you what is in my heart. Let it ring through you. I will sing for you. I will sing for you what is in my heart. Let it ring through you. But I won't go for more. I won't go for more till the rain stops. I won't go for more. I won't go for more till the haze drops. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec ce morceau qui s'appelle I Won't Go For More. Alors Gizmo, c'est pas un petit régal quand tu mets ça? C'est de la frappe. Là franchement, si j'ai bu deux bières, j'ai fumé un joint de bœuf, j'écoute ça, je pense que je peux faire un putain de plan. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'as pas bu deux bières et fumé un seul ouinge. Donc... non mais donc c'était un bête de concept. C'était un bête de concept. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Tu as compris ce qu'il a dit? Non. D'accord. He says that if bon, Elsa, qu'on a perdu presque. Two beers, it would be pretty trippy. And then Fred said, of course, you didn't smoke or drink beer. Yeah. Non. Mais elle a rien compris, Elsa, elle est raide aussi. C'est Elsa qui s'est pris les deux bières avec le ouinge, elle est morte. He said, if I had smoke and drank two beers, it would be like even trippier to listen to the song. And Fred said, yeah, and what's good is that you didn't smoke or drink beer, right? Exactly, exactly. Elsa, repeat after me. Oh, shut up. Stella is in the kitchen. Brian is in the kitchen. Pardon, in the kitchen. Where is Brian? Sur la cuisine, non. Where is Stella? Where is Stella? Where is Stella? Stella is in the kitchen. Non, en deux studios. Ah, in the studio. In the studio. Voilà. Elsa, on va la perdre. Hein. Oh. À la fin de l'émission, on va la perdre, Elsa. Bon, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le live? C'est là. Yes, ready? So ready. So Gizmo, ready, toujours ready. Depuis que je suis né, mec. Je sais. Et ben, on va écouter ce morceau que vous allez nous faire en live maintenant dans l'émission. Les images sont dispo sur Skyrock FM, sur l'appli Skyrock. Et on nous écoute dans toute la France. Merci à vous tous. C'est la Soul. L'album sort lundi 30 mars. On l'a pas dit, mais il est en précommande. On peut aller cliquer pour, comme l'a fait Gizmo d'ailleurs. On peut aller cliquer pour précommander l'album. Bah ouais, allez-y, mon sauce. Vous allez kiffer le truc. C'est une putain de sauce. C'est pas de la sauce mayo, c'est une sauce. C'est une sauce, une bête de sauce relevée, une chili sauce. Ah, j'adore ces genres d'émissions. Franchement, avec toi, Gizmo, j'adore en fait. Faudrait qu'on fasse plus de semaines. Je suis pas sûr de tenir toute une année. Hein, non, mais faudrait que je vienne travailler ici carrément. Bah, bonne idée. En plus, je suis un bête d'animal. Attends. Ce soir. Non, vas-y, plus tard. T'inquiète, on va en parler. Ah, on va en parler, on va négocier ça. Allez, c'est parti maintenant en live sur Skyrock. C'est la Soul et Gizmo. Yeah. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls start coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah. Remember me at night. Love has forsaken me. The day you abandoned me. Say you remember me this time. Cause I'm alone. I'm alone. I'm alone without you. Je suis seul sans toi. Cause I'm alone. Je suis seul sans toi. I'm alone. Je suis seul sans toi. I'm alone. Without you. Je suis sérieux, je me sens coupable. Quand mon cœur me fait des coups bas, je suis dégoûté dans la foulée. Je me suis écarté de ma voix. Tant pis, je vois que quand j'ai envie de toi, tu es loin. Je suis pas bien, je me balade en ville le soir. J'ai des flashs de tous les deux. Faut pas qu'on se lâche, tu vois pas tout ce qu'on gâche. Ça s'est passé sous tes yeux. Tout va si vite, je te cache pas, ça devient speed. Sois pas si triste, t'inquiète pas, je reviens vite. Spend by eternity, a big scene we used to be. I hope you remember me. Je me rappelle, bébé. je suis pas très loin, je pense à toi, Dieu m'en soit témoin, bien sûr que je me rappelle de toi. Gangsta. Je sais que tu es perdu, je sais que quand le soleil se lève, tu oublies ton amertume. Ouais, je sais que tu m'attends, et je sais que tu es perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu perds tout ton temps dans l'amertume. Sans toi, 'cause I'm alone. Sans toi, bébé. I'm alone. Sans toi. I'm alone. Sans toi, bébé. Without you. Sans toi, bébé. Without you. Oh. Jiggy bang. Woo. C'est la soukismo. Fredo. Elsa, Momo. Without you. Oh. À l'instant en live. Faites du bruit s'il vous plaît dans le studio. Voilà pour Cela et pour Gizmo. Merci. Magnifique ce morceau Alone sur Skyrock. Ouais. C'est la première fois que vous faisiez en live tous les deux ? C'est la première fois. Première fois, c'était sur Skyrock. Merci à vous deux. En tout cas, merci à toi. Avec cette version. Merci à Gizmo. Merci Alone. À toi, oui. Peut-être une future aussi collaboration, qui sait hein ? Qui sait ? Gizmo, t'en es où toi sur les albums ? Qu'est-ce qui arrive là pour toi cette année là ? Moi, je sais pas ce qui arrive là. Peut-être une mixtape. Mixtape ? Oui, peut-être. T'es en train de bosser, enfin en même temps, t'enregistres tout le temps, toi. Ouais. Chaque fois que je vois des photos de toi, t'es en studio. Quand t'es pas en studio, t'es en concert. C'est ça, Hugo. Je fais des morceaux, donc voilà, j'ai peut-être un truc avec mon gang. Ah ouais, attends, on vient de m'apporter un peu de promo. Une dépêche qui vient d'arriver à l'instant même. Je te jure. Live. C'est à partir de où déjà ? Parce que j'ai oublié maintenant. Tu m'avais dit quoi ? Ah. Si en plus tu retrouves pas le truc, ça va être compliqué. Non mais en plus c'est super mal poli parce que c'est pas mon planète rap. Mais c'est pas grave, on va en profiter pour annoncer. C'est là, toi t'as des dates aussi qui arrivent. Il y a l'Olympia, mais je crois que c'est blindé, c'est le 30 mars. Ouais. Pour la sortie ici en France. Et puis il y a d'autres dates aussi, on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos. Oui, voilà. Et puis si vous croisez Cela, ce qu'il y a de fort c'est que Cela parfois elle est dans les aéroports, dans les gares, et elle se met au piano, elle se met à la guitare. Pour patienter, tu peux jouer à n'importe quel endroit. T'as fait quoi ? T'as fait Zurich, Gare du Nord, Zurich, ouais. Zurich et Bruxelles. Paris et Bruxelles. Et aussi Allemagne. Allemagne, Berlin. Berlin. Donc c'est, vous allez voir, c'est là qu'on va se faire chier et qu'on attend son bus, j'allais dire. Non, pas le bus. Tout le monde est touché, hein. Elsa, tu peux confirmer. quand c'est là, attend son train ou son avion, voilà. Quand il y a trop d'attente, tu prends la guitare, tu joues pour tout le monde. Yeah. Incroyable. T'as retrouvé Gizmo ou tu veux un peu de temps ? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu avais à nous annoncer ? En plus, j'ai raccroché au nez d'Elsie. Ah. Pas de chance. Dédicace à elle d'ailleurs, bah oui, un bisou à ma sous celle-ci. Merci. Alors, le 1er avril à Méru, 24 avril à Paname, le 30 avril à Toul, le 7 juin je suis à Montpellier, le 8 juin mai, excuse. Ah, donc c'est 7 mai alors. Ouais, j'ai sauté. 7 mai Montpellier. Ouais, Montpellier, le 8 mai la Seine-sur-Mer. Le 9 mai, Thionville, boîte, il y a écrit, c'est un bête de boîte de nuit, à mon avis, il y a de la meuf. Le 15 mai, à Blois, chez Niro, dédicace au poteau Niro. Ouais. Le 16 mai, oh putain, je peux pas faire le concert, c'est le jour de l'anniversaire de mon petit frère. Donc, non, je rigole, je suis à Annecy. Le 22 mai, Marseille. Le 23 mai, Lille. Le 30 mai, à l'Option, à Lyon. Non. Ah, c'est pas le nom de la salle, Option. Non, c'est peut-être une option en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas encore confirmé, Gizmo. On s'est trompé, il m'a dit. D'accord. Le 19. Donc c'est une option, donc. Non, le 19 juin. Calmez-vous. Le 19 juin. Sérieux, deux secondes. Je vais être de Sénat sous. On se calme. C'est là. J'ai dit c'est là. Oui, mais j'ai pas dit Sénat. Sénat. Non, c'est là sous. J'ai pas dit Sénat sous. Vas-y. Non mais j'ai pas dit Sienna sous. Continue. Parce que sinon, j'ai peur qu'on déporte chez Difool. Et plus... plein d'autres concerts. Voilà. Google, va sur Facebook. Le plus simple, c'est d'aller suivre sur les réseaux sociaux. Gizmo, merci d'être avec nous en tout cas ce soir. Merci d'avoir merci été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Gizmo. Merci beaucoup à Célassou. Merci à vous. Et merci de nous donner autant de bonne musique. Ouais. Merci à toi, mon Fredo, de supporter à chaque fois ma folie. Bah, parce que. On Et kiffe, merci à Elsa. On kiffe Gizmo. Partager avec moi un peu de bonheur. Elle aurait pu traduire. Elle aurait pu traduire, mais je pense qu'elle peut traduire absolument tout ce que tu veux, Elsa. Non, pas tout. Tout. T'es sûr ? Bon, merci en tout cas Céline, d'avoir été avec nous ce soir. Tu reviens demain entre 20 et 21 dans le Planète Rap, c'est toute la semaine. Et juste avant de se quitter, on va faire tourner la roulette, c'est parti. Comment ça va les amis ? Skyrock t'offre le voile à voile à tour de Kev Adams. Moi, c'est Kev Adams. Plus l'intégrale de Tupac en CD. C'est génial ! Marie de Nice, ça va bien Marie ? Oui, ça va bien. Ben, je te présente, il y a Célassou, c'est son Planète Rap, il y a Gizmo qui est là avec nous. Oui, salut tout Marie. Monde. Et puis je suis Elsa. Trop content de vous avoir. Moi aussi. Qui nous fera un freestyle pendant la pub dans un instant. Marie, tu es prête à faire tourner la roulette, on y va ? Oui, je suis prête. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok. Stop ! La roulette qui va s'arrêter pour toi. Ouais. Et ben voilà. Les places pour aller voir Kev Adams, c'est oui, l'intégrale de Tupac. Ça fait 20 ans que Tupac nous a sorti un album culte qui est mis Against the World. Et à cette occasion, tu repars avec l'intégrale de Tupac, c'est pour toi. Ok, super, c'est trop cool, merci beaucoup. On te fait des merci. Bisous. Ciao, ciao. Moi aussi. Est-ce que je peux faire juste une petite dédicace ? Vas-y, Marie. Non, ok, je voudrais faire une dédicace à Alex et voilà, lui dire que j'aime plus que tout. Ah, oh, c'était beaucoup. Mignon en plus, magnifique. Ciao Marie. Merci. Ciao. Dédicace à Alex. Merci beaucoup. Ciao à vous tous. Merci Gizmo d'être passé. Merci à toi Planète Rap. Merci de m'avoir accueilli. Et c'est là aussi. Elle revient demain dans Planète Rap. Si Dieu veut. Ouais. Entre 20h et 21h avec ton Faut album. Faut toujours Reason. Dire si Dieu veut, Fred. Thierry Gilardi, il a dit à dimanche prochain, on l'a plus jamais revu. Oui, d'ailleurs, c'est les 7 ans de disparition de Thierry Gilardi. Ouais. On finit sur une touche avec de la joie et de la gaieté. Merci Gizmo. Non, mais t'as raison, en tout cas, c'est un super bonhomme, Gilardi. Ouais. Et on salue sa mémoire. Son âme. Voilà, on salue sa mémoire, on salue ses proches. Ça fait 7 ans qu'il nous a quittés. Tout à fait, Thierry. Et on salue toute sa famille. Merci à toi, en tout cas. Gizmo, merci, c'est là je disais demain. Ah, ok. De retour pour le Planète Rap avec ton album Reason qui sort lundi. Et là, on va retrouver Difool qui est là avec toute l'équipe. Eh ouais. Oui, bonjour, c'est là ouais. Bonjour, Gizmo. Gizmo en pleine forme hein, aujourd'hui. Ouais, ça va ou quoi ? Comme d'hab, il est là. Il est bien. Là, je suis fatigué un peu en plus. Hein. Ouais, bah, ça se sent un peu. Ça se sent pas du tout. Elle est là, ma meuf. Elle est là, ta meuf, oui. Elle est là, elle c'est est pas moi, ta meuf. C'est Cédric. Mais si, Marie, c'est toi. Non, je crois qu'il parlait de toi, Marie. Je crois que c'était Cédric, du coup. Non, je me sens rejeté là. Du coup, non, mais non, t'es pas rejeté. Non, mais vas-y, au prochain album, c'est mieux. Ça va ou quoi, bande d'enfoirés ? Ça va, les enfoirés sont là. Au calme. Ouais, on attend donc le prochain album avec impatience. Alors, pour le retour de la grande histoire, Gizmo Marie. Ce soir c'était Gizmo Célassou. Non, moi c'est comme les États-Unis. Quand c'est refusé une fois, c'est à vie. Mais j'ai rien refusé, je t'ai demandé qui était ta chérie. C'est toi. Chérie. Ah, ça c'est se précise. Mignon. Eh ben, c'est toi, chérie. Ah, voilà. Bah écoute, on va en discuter un peu plus tard. Hein. D'accord. Ah. Très tard même. Tu vois, les portes sont ouvertes, Gizmo. C'est la sous-merci en tout J'espère cas. J'espère que ce c'est soirée. Pas que les Merci, portes. Merci, Baco. Ah, ça, on va demander, tiens. Non, on s'en saura plus. C'est charmant. Peut-être d'ici minuit. Ouais. Est-ce que Cédric parle flamand d'ailleurs ? Vleut de cake. Non, je parle pas flamand, non. Oh, ouais, parce que lui, il est côté wallon. Oi, dar ! Il est côté wallon. Je suis vraiment dans le sud, ouais. Il parle wallon. Dans le sud. Ouais. Bah, le sud de la Belgique, ouais. Ouais, dans le sud. Donc, je suis wallon. Voilà, c'est ça. Ok. Mais je te fais un gros bisou quand même. Ouais, gros bisou à Célassou. Ok. Gros bisou. Eh, Cédric ? Ouais. Ouais, je sors du studio, viens me voir vite fait. Bah, viens, toi. Bah, viens nous dire bonjour, j'arrive. Ouais. Ok, on fait un truc comme ça. Voilà, Marie, bien joué. Un râteau pour la Marie, ça fait plaisir. Bah, quoi, maintenant que je suis son homme, je suis comme chez moi ici. Ah, bien sûr. Ah, mon gars. Eh oui. Allez, j'arrive, ma gueule. Gizmo le retour très vite. Et c'est là sous le retour demain soir, 20h, 21h sur Skyrock. Loupez pas le rendez-vous. Ouais. C'est pour demain, c'est pour vendredi. L'album, c'est le 30 mars, hein, je crois. Lundi dans les bacs. Lundi dans les bacs. C'est la sous, motherfucking games. Exactement, c'est la sous, motherfucking games. Voilà. Et ce soir, un grand retour. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas entendu partout, dans tous les médias. Une bonne surprise. Gilbert Montagné. Non, ce n'est pas lui. C'est qui ? Tiens, un petit indice pour vous. Écoutez bien. Ça va être énorme, la messe. C'est Rof. C'est Nati. C'est Nati ou c'est Rof ? C'est Rof. R-O-H-2-F. Avec du sale. Il revient avec du sale. Ouais, deuxième du sale, indice. T'inquiète pas là. Aïe aïe aïe aïe aïe. Il y a du sale qui se passe dans le 9-4. Oh là là, oh là 9-4. Il y a du sale dans le 9-4. Et dédicace à la jupe, tous les mecs de la jupe. 9-4, mon pote. C'est Rof. Rof qui sera avec nous ce soir. Le grand retour de Rof. C'est vrai qu'il n'a pas parlé en radio depuis l'été dernier. Ouais. Aïe, aïe. Et on le retrouvera ce soir. Vous lui passerez le bonjour de ma part. Je lui dirai le bonjour de Gizmo. Et on écoutera du sale, le nouveau son de Rof aussi. Nouveau son. Du sale, ma gueule. Du sale. Du sale, du sale, du sale. Moi, c'est ce que je dis depuis tout petit, je fais du sale. On fera du sale ce soir. Du sale, mon gars. Et de retour, faites tourner, dites-le autour de vous. Rof débarque dans l'émission si vous avez un truc à lui demander. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé en radio, hein, Rof. Eh bien, on en reparlera avec lui tout à l'heure. On l'aura en direct de son studio. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. Moi, mon gars, sûr. Eh oui, Rof à retrouver sur Sky. Merci Gizmo, merci Célassou. Gros merci bisous. À vous les frérots. Merci. Salut Fredo. Ciao, ciao. Bisous à tout le monde. Et merci Elsa qui est avec nous ce soir aussi. Bisous Elsa. Bisous Elsa. Et Major Lézan pour démarrer la soirée. Là, ça arrive tout de suite. Et toute l'équipe est là. Radio Libre, oui. Allez-y. Vous aussi, vous nous appelez au 01 53 40 30 20 si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous. Allez-y, faites péter. On est parti tout de suite. Ciao. Ciao tout le monde.